الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دوك يا دخلنا في فصل أركان الصلاة. نحن في الشابتر لي بيلي دو لا صلاة. D'accord. Elle a des conditions, c'est les choses qui sont externes à la salat. La salat, elle a des piliers. Et elle a des obligations et elle a des sunnah. D'accord? Dans les shurut, conditions, c'est les choses qui sont externes à la salat. Comme par exemple, les ablutions. Du moins, la purification dans son ensemble. Être face à la qibla. Couvrir la awra. Partie intime. Dans des vêtements, c'est-à-dire que le lieu où tu fasses salat, tes vêtements soient également purs. D'accord? Le temps. D'accord? Le temps et la raison. Tu fais une salat avec ta raison. Tu fais pas une salat alors que tu as bu ou que tu as fumé ou que tu as pris quelque chose. D'accord? C'est pas valable. Et là, aujourd'hui, on va prendre les arcanes. Des piliers sont internes à la salat. D'accord? Ne confondez pas entre les conditions et les piliers. Là, c'est interne à la salat. Donc là, il y a un hadith, al-Khamis wa Thalathin, le 35e hadith du livre, et qui est en réalité le 15e du livre. Il y a un Abi Huraira, radiallahu anhu. أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل إنك لم تصل ورجع فصل ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصل فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله قال إذا قمت إلى الصلاة فأصبر الوضوء أستقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وعليكم السلام ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه. Donc il dit selon Abu Huraira, radiallahu anhu. Comment il s'appelle Abu Huraira? Ahsant. Pita. Donc il dit qu'un homme est rentré au masjid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y trouvait déjà assis. Dans un coin. Donc cet homme a fait la salat. Puis il s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a passé le salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu le salam. Il lui a dit « Recommence ta salat car tu n'as pas fait ça. » Donc l'homme est reparti. Il a refait sa salat de la même manière. Puis une fois qu'il a fini, il est retourné auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui a passé le salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu le salam et lui a dit « Retourne et recommence car tu n'as pas fait salat. » Et cela trois fois. Il s'est passé trois fois. À chaque fois, l'homme fait la salat de la même manière. Donc là, l'homme lui a dit « Enseigne-moi, je ne sais pas faire autrement. » Donc, de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Si jamais tu comptes faire la salat, alors fais tes ablutions de façon complète. Puis, efface à la qibla. Puis, fais le takbir, ce qu'on appelle takbirat al-ihram. Puis, récite ce que tu peux du Coran. Puis, incline-toi jusqu'à ce que tu sois présent, avec quiétude. Puis, relève-toi jusqu'à ce que tu sois bien droit dans ta position debout. Ça veut dire que chaque os revient à sa place initiale. Les articulations reviennent à leur place initiale. Puis, prosterne-toi sans que tu sois stable dans ta prosternation en quiétude. Puis, relève-toi de ta prosternation sans que tu sois assis avec quiétude et stable. Puis, prosterne-toi à nouveau sans que tu sois stable dans ta prosternation. Puis, relève-toi jusqu'à ce que tu sois assis et fais cela dans toute ta salat. Ça veut dire recommence à chaque rakat ce cycle. Donc là, à travers ce hadith, on y voit un homme et il est dit que cet homme-là s'appelle Khalad ibn Rafi' al-Ansari. Ce sahabi qui est rentré, ibn Rafi'. Et ce hadith, on appelle ce hadith al-Musi Salata. C'est le hadith de l'homme qui ne faisait pas bien la salat. Chez les muhaddithin, chez les gens du Rhin, il s'appelle comme ça le hadith. Dès qu'on dit hadith al-Musi Salati, on parle de ce hadith-là. Donc cet homme est rentré et passé salam au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, on y voit que à trois reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit de retourner et de recommencer la salat. Pour quelle raison? Parce que cet homme-là, sa salat, il ne respectait pas certains piliers, entre autres, Toukmanina. Toukmanina, c'est la quiétude, c'est-à-dire le fait de faire chaque pilier dans un temps raisonnable. Cet homme allait trop vite. En fait, il faisait des gestes trop vite, trop rapidement. Donc, on y voit que celui qui agit de la sorte dans sa salat, elle a dit de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Solli, irjir fa solli, une kalam tout sol. Il a dit, recommence ta salat car tu n'as pas fait salat. Pourtant, l'homme, il est venu. Il a dû faire ses ablutions. Il a dû faire tout takbir. Il a tout fait. Et pourtant, il a dit, tu n'as pas fait salat. Ce qui prouve que ce n'est pas ce que toi, tu penses être la salat, tu en es une. Donc la salat qui est valable, c'est celle qui respecte les conditions, les piliers, obligations et ce qui s'ensuit. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni ou salli. Wa alaykum salam. Faites la salat comme vous m'avez vu l'accomplir. Dans ce hadith, il y cite deux conditions au préalable. La purification, la diffas bir el wudu, et faire face à la qibla. Et on avait dit une faïda importante d'une erreur qui est très répandue par rapport à la qibla. Ça, là, ton groupe, quelle est-elle? Andak. Il y a que toi. Il y a que toi qui te répondre. Non. Bon, ceux qui étaient là hier ont entendu, ceux qui n'étaient pas là, ils vont entendre, et c'est une chose qui est répandue dans les masajides aujourd'hui, ici, c'est que on trouve que la mosquée n'est pas dans la Qibla. Et les gens se sont rendus compte par la suite. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils mettent l'imam dans la Qibla. Donc, tu vois que le tapis de l'imam, il est un peu de travers. Et les gens, d'ailleurs, ils sont droits sur leur place initiale. D'accord? Et ils disent, c'est bon, l'imam, il est, comme on n'a pas la place pour se tourner, c'est l'imam qui prend la Qibla, et nous, derrière, on reste comme on était, l'imam nous a comblé notre manque. Ta vie, il est faux. Car faire face à la Qibla, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est parmi les conditions de la salat. Au même titre que le temps. Au même titre que la purification. Au même titre que l'heure. Il y a plein de choses. Si demain, tu n'as pas l'odo, l'imam est face à la pour toi avec son odo? Non? Pourquoi dans la Qibla, il va prendre ta direction et pas pour toi? Donc, en réalité, cet imam-là, lui, dans la Qibla, n'est pas légendaire. Donc, eux, leur salat, elle n'est pas valable. Maintenant, si la déviation, elle est minime, 2-3 degrés, c'est léger, la baisse. Mais si c'est une chose qui se voit à l'œil nu, tu vois vraiment qu'il y a une différence, ben, c'est pas bon. Car être face à la Qibla, c'est une condition de la salat, elle est individuelle pour chacun. Bon, elle est comme ça. Que tu sois en groupe ou pas. Prenons un exemple autre. Imagine-toi dans la salat en groupe, l'imam de la Qibla, tout le monde est de la Qibla et toi, tu es de côté. Est-ce que tu vas dire, oui, l'imam, les gens, pour moi, c'est bon, ça me remplace? Là, pourquoi, dans notre sens, ça marcherait? C'est la même chose. Donc, cet avis-là, encore, il est erroné. C'est sûr qu'il y a des gens de sens qui ont dû mettre la fatwa, cette fatwa-là, contredit la hadith-là. D'accord? On n'est pas basé sur la hadith-là. Je pense qu'on est à coul de madhab, ça, je pense. Allah alam. Coul de fuqaha dans le madhab. Et également, on a dit, cela amène à une autre erreur. Tu te rappelles laquelle? Ça induit des gens en erreur. De ne pas s'en faire. Dis-moi après. Ouais. Déjà, regarde, il y a un truc que j'ai oublié de dire hier. Celui qui arrive en retard, par exemple. Et c'est une mosquée qu'il ne connaît pas. Première fois qu'il vient là, chercher sur les réseaux, c'est lors de la salat, il rentre par exemple, je ne sais pas moi, dans la troisième rakat, quatrième rakat, peu importe. Et il sait pas que l'imam, il voit pas l'imam, que l'imam est de travers. Fait comme tout le monde. D'accord? L'imam, il a fini. Cette femme, il reste au lieu, il reste tout droit. C'est plus l'imam. Donc, qui est-ce qui comble ta direction maintenant? L'imam, il a fini, ça y est. Tout le monde devant toi, ils ont fini. Et toi, tu restes comment? Droit, et pas dans la Qibla. Et tu n'es pas au courant. Tu es excusé par ton ignorance, certes. Mais comme dans le hadith, ton ignorance n'efface pas que ta salade soit acceptée. Ça, c'est de un. De deux, quand les gens rentrent dans ce genre de masajid et qu'ils ne sont pas au courant, il faudrait vraiment le dire à tout le monde, quitte à mettre un écriteau, quelque chose pour dire attention, la Qibla, c'est comme ça. Ils ne le disent pas, ça. C'est les habitués qui sont au courant. Ou celui qui est un peu attentif, qui connaît cette masala, et quand il rentre, il regarde à chaque fois le tapis d'imam, comme le tapis d'imam, voilà, c'est bon. La mosquée, elle est déviée. Aujourd'hui, on fait attention maintenant qu'on fait ça. C'est quelqu'un qui ne sait pas ça. Il vient, et par exemple, il fait ses rawatib. Après le dhohr, il va se mettre comme l'imam, il va rester tout droit. Parce qu'il ne sait pas que la Qibla n'est pas droite, personne ne le dit. Donc même ses rawatib derrière qu'il va faire, il sera dans la mauvaise direction. D'accord? Ou il rentre, il fait tahiyat el masjid. Et il ne fait pas attention au tapis. Pour lui, c'est le masjid, c'est la Qibla. Je n'ai pas à vérifier le tapis de l'imam, comme on sait. Pour moi, c'est. Voilà. Je fais confiance. D'accord? Et il rentre, il fait tahiyat el masjid. Il l'a fait comment? Pendant la Qibla. Pas valable. Et ainsi de suite. Donc ça engendre beaucoup de conséquences derrière. Et ça, c'est la responsabilité des. Oh, subhanallah. Et maintenant, il n'y a presque plus de batterie. Oui, décidément. Inch'Allah, ça va tenir jusqu'à la fin. Enregistre par secours, si tu peux le dire. Minel. Hein? Aussi? On ne sait jamais. 5 ou 5, un autre, deuxième, troisième, quatrième enregistre. On ne sait jamais. Pareil. Vous avez compris? Et clairement, quand je suis au Machir du Yémen, je leur avais demandé par rapport à cet avis-là. Ils ont dit, cet avis-là, il est faux. D'accord? Il n'y a aucun dalil qui dit que l'imam, il fait la Qibla pour toi. Enfin, c'est une condition qui est individuelle pour chaque moussalli. Et plein d'adilés le prouvent. Comme je le dis, par exemple, si l'imam, il a fini, s'assoit, comment tu te mets, toi? Vous voyez? Donc maintenant, les gens vont dire, Khalil, c'est bien, tu as soulevé un problème, c'est quoi la solution? Comment on fait à ce moment-là? Ça, c'est mon idée à moi. C'est mon pansement sur le bobo à moi. T'as un pansement, ça saigne, tu sais pas comment faire. Ça, c'est mon pansement à moi. Après, peut-être qu'il y a une meilleure idée. Moi, c'est celle que j'ai faite et j'ai vu que, alhamdoulilah, ça n'a pas fait de problème. C'est ce que je préconise, celui qui voit ça. T'as deux sortes de personnes. T'as le téméraire et t'as le discret. Discret, dis-moi, j'ai pas vu, je fais ça, les gens vont commencer à dire, tu fais de fitna, tu fais la division, ça fait des années, on fait ça, tu fais des problèmes et tout. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Va tout au bout du rang, vers le mur. Et mets-toi comme l'imam. D'accord? Comme ça, tu as fait ta salat dans l'arqibla. Inch'Allah, à part que ton voisin, personne n'a rien à dire. Ton voisin, il part, tu l'expliques. Rentre pas en gidèle. S'il commence à dire, oui, mais, c'est dit salam alaykoum. Tu t'en vas. En tant que jidel, t'as des gens ici, ils ont la tête de bois, ils veulent rien comprendre. L'imam, il a dit, l'imam, il a fait. Tu dis, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils connaissent pas trop ça, tu vois. Oui, mais l'imam, il a dit, ou le madame. On parle de polémique avec les gens ici. Là, ouais, la plupart, ils vont pas écouter. Et c'est mettre un téméraire, mais tu mets où tu veux, mets-toi comme l'imam. Et après, assume ce qui peut arriver. D'accord? Si les gens viennent te voir, et que t'es prêt à te défendre, ou à entendre des paroles, voilà. Moi, je l'ai fait jusqu'à présent, de la personne, j'ai pas eu de, ni dans le coin, ou des fois, j'ai dû me retrouver, malgré moi, trop tard, il n'y a pas de place. Où tu viens, le rang n'est pas fini, t'es le dernier. Il y a de la place qu'au mur. Tu sais pas, tu vas au mur, t'attends que tout le monde arrive, t'es obligé de combler le rang. Il dit, ah, je suis coincé, je fais pas le bout du rang. Tu rentres là, et les gens, ils viennent d'à côté. Donc, en fait, t'es presque au milieu du rang. Tu dis, Allah, Allahumma sallam, sallim, hop, tu te tournes. Tu vois, dans toute la salade. On m'a rien dit. Et pour le professeur Mario, on m'a rien dit. Ben, il se moque de moi, ça t'arrive qu'on dise quelque chose. Ou surtout qu'on a un peu qu'on peut étudier d'après eux, s'ils pensent qu'ils ont du fiqh. On a dit, ah, t'as fait ça, le rapport d'idée avec les gens. Ça ne sert à rien. Toi, t'en vois un, il veut comprendre, il te demande, tu l'expliques. Par moi, il veut juste débattre. Puis, j'ai pas le temps, salam alaikum. Baisse. Hein, Michel, ta salat, t'as le cœur apaisé, tu l'as fait comme il faut. Donc, ça, c'était une parenthèse par rapport à cette masala-là de la Qibla, par les masajides qui sont déviés. Donc, maintenant, on va lire ce qu'a dit l'auteur en commentaire de ce hadith. Bah, déjà, pour récapituler, ce hadith, il regroupe les groupes liés à la salat. D'accord? Ce sont les groupes liés à la salat. يقول في الشرح الإجمالي يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجده ذات يوم فجلس فدخل رجل وهو خلاد رافع فصلى صلاة خفيفة لا يطمئن فيها وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلما انتهى من صلاته جلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي دونك قلنا الحديث Abu Huraira informe qu'un homme est rentré dans le masjid. Le prophète s'y trouvait, assis dans un coin. Cet homme a fait salat. Une fois qu'il a fini, il est parti voir le prophète. Il lui a passé le salam. Le prophète lui a rendu le salam et lui a dit « Recommence à salat, car tu n'as pas fait salat. » D'accord ? C'est passé trois fois. L'homme a recommencé, il est revenu. Le prophète lui a dit « Recommence. » Il est parti, il a recommencé, il est revenu. Et à la fin, il lui a dit « Enseigne-moi. » فراجع الرجل فصلى مثل صلاته الأولى صلاة لا يطمئن فيها ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات ليتذكر إن كان ناسيا أو ليشتد شوقه إن كان للعلم كان جاهلا donc pourquoi le Nabi صلى الله عليه وسلم l'a laissé recommencer plusieurs fois. Et là, l'auteur explique, c'est par une sagesse d'enseignement, il dit, pour que la. C'est-à-dire, s'il avait oublié, l'homme l'a fait la salade rapidement, il n'a pas fait attention. Quand il dit recommence, il dit, ah oui, j'ai dû faire quelque chose de pas bon. Donc là, il fait attention. Mais ce n'était pas le cas. Et deuxième chose, deuxième raison, c'est celle-ci qui était la bonne, pour lui donner envie de savoir c'est quoi le problème. Alors, l'homme, il fait une chose, il dit, c'est pas bon, on recommence. Il recommence une fois. C'est pas bon, on recommence. Elle commence, c'est pas pour commencer. Elle dire c'est quoi l'erreur? Elle est où mon erreur? À ce moment, c'est lui qui va demander c'est quoi mon erreur? Apprenez-moi. Et donc, à ce moment-là, il sera motivé à apprendre. Il va retenir plus facilement. Et ça, c'était la raison. Et celle-ci qui a fonctionné avec cet homme-là. Il a dit allumni, enseignez-moi. Et cela amène à ce que la personne soit plus motivée à apprendre avant. Fatalab. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره إذا قام للصلاة أن يتوضأ وضوءا تاما donc là le Nabi صلى الله عليه وسلم lui a enseigné et a commencé à lui dire comment faire en premier lieu de faire ses ablutions correctement ça rentre dans les shurut mais pas dans les arkan ويستقبل جهة الكعبة puis qu'il fasse face à la Kaaba la Qibla فيكبر ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن. Puis ensuite, il va faire le takbir de l'ihram, quand tu dis Allahu Akbar, quand tu es dans la salat. Donc ça, c'est premier pilier. D'accord? Takbirat al-ihram, quand tu dis Allahu Akbar, tu es dans la salat, ça, c'est un pilier. Tu ne peux pas le délaisser. Et la sunna, c'est de lever les mains au niveau des épaules et des oreilles. Quand tu le fais. Il y en a, ils touchent les oreilles. Je sais pas, vous avez déjà vu. Il y a pas de dalil là-dessus. Que chez les oreilles, il n'y a rien qui dit. قال ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن. Puis il doit réciter ce qu'il peut du Coran. Si cet homme-là, il dit ben, le hadith, je récite ce que je peux du Coran, je viens, je dis قل هو الله أحد. Je m'incline, c'est bon. Dans le hadith, c'est ça qu'il dit. Il dit, récite ce que tu peux du Coran. Il dit que ça. Oui. Il dit qu'un homme rentre, il dit que ça. Il dit, Kul huwa Allahu Ahad. Mais il récite. C'est le cas. Il dit, j'ai lu ce que j'ai connu du Coran. Hop. C'est bon. Il a dit, non, mais c'est. S'il a dit le Fatiha. Et en fait, Hadith veut dire quoi? El Fatiha. C'est ça qui est demandé. Le pilier, c'est le Fatiha. Ce n'est pas juste dire une autre phrase du Coran. Le pilier, c'est de rester le Fatiha. Non. Si tu rajoutes, c'est Sunnah. Content de cela, c'est valable. Thumma yarka hatta yatmainna rakihan. Puis, il s'incline jusqu'à garder une position stable d'inclinaison. Dans laquelle il dit. Aywa. Subhanallah Rabbil Azim. Et de le dire au minimum une fois. Oh, et ça, c'est un pilier. Le hadith ne stipule pas, mais c'est un pilier. Et la sunna, c'est déjà profond. Mais en fait, cette toupmanina, cette quiétude, c'est le temps justement que tu as le temps de dire ça au moins. Tu vois? Ça veut dire que tu restes comme ça pendant un quart d'heure, forcément. C'est que tu as le temps de dire les choses que tu as besoin de dire à ce moment-là. C'est ce temps-là. Et le temps que les ossements soient bien placés, puis hop, tu reviens à ta place. C'est ça que ça veut dire. Yaqul, summa yarfa hatta yartadil, wa yatmainna qa'ima. Puis il se relève. Jusqu'à se retrouver debout comme il se doit. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? On dit quoi à ce moment-là? Tu te relèves du recours. Non. Qui c'est qui dit ça? C'était derrière les bombes qui disent Rabbana. Ah, sainte. Sami Allah ou l'imam Hamida, ça c'est l'imam qui le dit, c'est en groupe. Si jamais tu es tout seul, je le dis toi. Dans Salat Jama'a, ben, l'imam, tu ne le dis pas. Tu te dis juste Rabbana wa lakal hamd. Thumma yasjud hatta yatma'inna sajida. Puis il se prosterne jusqu'à être en quiétude prosternée. C'est-à-dire qu'il a le temps de dire au moins une fois, Subhanallah Rabbi al-A'la. Minimum, une fois. Sunnah, c'est trois fois. Puis, ajouter les deux, hein, évidemment. Thumma yarfa hatta yatma'inna jalisa. Puis se relève de son sujoud. Il garde la petite position assise. Un certain temps. Il y a aussi des adhkars à faire à ce moment-là, mais ça rentre pas dans les piliers, même dans les obligations. C'est les sunan. Thumma yasjud as-sajda as-thaniya hatta yatma'inna sajida. Puis se reprosterne une seconde fois. D'accord? Jusqu'à ce qu'il soit prosterné avec apaisement. Il est le temps de dire Subhanallah Rabbil A'la, au moins une fois. Puis, il recommence tout cela, chaque cycle, chaque raka, à part Takbirat al-Ihram, ça ne le refait pas, il le refait qu'une fois au début. Et tout le reste, il recommence en fonction du nombre de rakats qu'il doit faire. Pas mal. En plus, parmi les arcanes, il y a At-Tashahhud al-Akhir. Le dernier Tashahhud que l'on fait. Lui aussi, c'est un pilier. Question. Andak. C'est quoi la différence? Comment ça la différence entre une obligation et un pilier dans la salat? Lors d'une erreur. Le pilier. Dans la question. C'est une réponse mélangée. Les deux années de la salat. Je dis là, c'est une obligation, quoi ou quoi? Volontairement, c'est la salat. Il y a une différence entre les deux. C'est quoi? Non. Crampel? Ouais. C'est quoi? L'obligation, t'as pas à la refaire, t'as pas à la rattraper. Tu fais ça, je descends. Le pilier, faut le refaire. Puis, à la fin de la salat, ça juste le serve. Et si le pilier est inclus dans la rakat, tu refais la rakat entière. Par exemple, tu as fait une rakat, tu as dit le Fatiha, puis tu te prosternes directement. Deux fois. Tu dis, oh, j'ai pas fait un recours. Est-ce que tu te relèves, tu fais un recours, tu as fini? Non, tu recommences toute la rakat. Depuis le Fatiha, au recours, ça je t'atteins. Et à la fin de la salat, tu fais sajid de sahou, pour ces notions de distraction, d'inattention. Oublie. Yaqul, fawaid al-hadith. Ujub al-wudu wa istiqbal al-qiblati wa huma min shurut al-salat. L'obligation des ablutions et de faire face à la qibla et qui sont tous les deux des conditions de la salat. Faniyan anna salat bidun tu'manina batila. La tabra'a biha al-dhimma wa talzam i'alatuha. Et qu'une salat sans quiétude, c'est-à-dire trop précipitée, comme cet homme-là l'a fait, une salat qui sera invalide. Et qu'il faut recommencer. ثالثا وجوب تكبيرة الإحرام باللفظ الله أكبر ويا ركن لا تنعقد لا تنعقد الصلاة بدونها et que le تكبيرة الإحرام le fait de dire الله أكبر dès le début c'est un pilier que la salat ne peut être valide sans lui. رابعا وجوب قراءة ما تيسر من القرآن ويا ركن وتتعين الفاتحة لمن يحسنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم Donc, il est obligatoire de lire quelque chose du Coran. Et ce qui est voulu par là, c'est Al-Fatiha. C'est un pilier. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il n'y a pas de salat acceptée pour celui qui ne lit pas Al-Fatiha. Salat n'est pas acceptée. Il peut lire soit Al-Baqara, soit Al-Imran, Al-Nisa, tout ce qu'il veut derrière. Il n'y a pas Al-Fatiha, la salat elle est invalide. Caduc. Nul. Khamisan, wujub, rukou. والقيام منه والسجود مرتين والجلوس بينهما وهي أركان لا تصح الصلاة بدونها. L'obligation de l'inclinaison et de la posture debout, puis des deux prosternations, il y en a une rak'at, et l'assise entre les deux prosternations. Et que tout cela représente chacun un pilier dont la salat est invalide en leur absence. سادسا وجوب الطمأنينة في هذه الأركان وهي ركن لا تصح الصلاة بدونها. ما صار جلوس؟ ما جلوس؟ سابعا وجوب الترتيب بين هذه الأركان قيام ثم تكبير ثم قراءة ثم ركوع ثم قيام بعده ثم سجود ثم جلوس ثم سجود مرة أخرى وهو ركن لا تصح الصلاة بدونه. كل obligatoire de suivre cet ordre. D'abord, être debout, puis takbir, puis al-fatiha au minimum, puis recours, puis se relever du recours, puis sujoud, puis assis, puis sujoud. D'accord? Obligé de suivre l'ordre. Si jamais tu changes l'ordre, la rakat, elle est invalide. Il faut la recommencer. ثامناً أن هذه الأركان ثابتة في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام ففي الركعة الأولى فقط. Et tous ces piliers sont affirmés et présents dans chaque raka'a, hormis un. On l'a dit tout à l'heure. Que tous ces piliers sont répétés dans chaque raka'a. D'accord? À part un. Juste tout à l'heure, je l'ai dit en plus. Tout ce qu'on vient de dire là dans l'ordre qu'on a fait, il y en a un qui ne se répète pas. Une fois. Takbir. Ahsant. Tafian, anna hadhi al-arkan la taskut jahlan wala sahwa bidalil amr al-musalli bil-i'ada wa lam yaktafi sallallahu alayhi wa sallam bita'alimihi. لأنها من باب المأمورات التي لا يعذر تاركها بجهل ولا نسيان. Et que ces piliers ne l'ignorant n'en est pas dispensé. Ou l'oubli, celui qui oublie, n'en est pas dispensé. C'est-à-dire quelqu'un peut ignorer une chose qu'il ne savait pas. Donc l'ignorant, il est excusé par son ignorance. Mais il doit refaire quand même. Celui qui oublie, pareil. L'oubli est une excuse qui fasse que tu ne prends pas de péché. Mais au moment où on te le rappelle, tu agis quand même. Ça veut dire que ça t'excuse du péché, mais ça ne t'excuse pas de faire cette chose-là. Tu la recommences comme cela est arrivé avec cet homme-là qui a dû recommencer sa salat. Par contre, les choses qui sont passées il y a longtemps, tu n'as pas à les refaire. Par exemple, quelqu'un a dit, comme on disait hier, je fais salat comme ça depuis des années. Est-ce qu'il a recommencé toute sa salawat depuis des années avant? Non. Il ne savait pas. Là, maintenant, il a fait, on vient de le dire, il a su, celle-là, la recommence. Et à partir de là, il évolue là-dessus. Ce qu'il a fait auparavant, bah, Allah lui pardonne. Hadith sallallahu alayhi wa sallam wa hikmatuh bi tariqat ta'limihi, qui montre le bon comportement des Nabis sallallahu alayhi wa sallam, sa sagesse et sa bonne pédagogie dans l'enseignement. Il n'y a pas le fond. Vous avez du son? Ils n'ont pas le son, on dirait, je crois. Il y a du son? Quelqu'un qui me dit oui, apparemment. Ouais. Ben, c'est bizarre, il n'y a pas de. J'ai pas le. Ouais, il y a du son. Normalement, il y a un. J'ai comme un effet sonore sur le micro de. C'est le gars qui m'a dit qu'il y a du son, là, ça n'apparaît pas. Bon. Un hamché, il y a du son. Mais tu parles de page. يقول الثاني عشر مشروعية تكرار السلام لمن قام من المجلس ثم عاد. Qu'il est légiféré de répéter le salam à quelqu'un qui a quitté une assise et qui revient. الثالث عشر مشروعية إعراض السلام وتكراره عفوا بتكرار السلام. Et qu'il est, tout comme il est légiféré de repasser plusieurs fois le salam, il sera légiféré de le rendre pour celui qui va l'entendre. On ne va pas dire, ouais, tu l'as dit une fois, c'est bon. Ah, on n'arrête pas. On n'y arrête pas. Pareil. Al-An, Akhouz, Al-Hadith, Al-Salis, Al-Salathin. Sadis, Afon, Al-Salathin. Quand il y a un hadith du Kitab, ou Al-Sadis, Hachar, 16e, Allah, Sifat, Al-Tashahoud. Comment faire le tashahhud? Et là, il parle de tashahhud al-awsat, le premier. Yaqul an Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha qa'ada ahadukum fi salat falyaqul at-tahiyyatu lillah was-salawatu at-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء متفق عليه متفق عليه سيدك. Donc, son Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans une version là, dans le hadith, il ne dit pas qu'il nous apprenait le tashahhud tout comme il nous enseignait une sourate du Coran. D'accord. Il dit, le prophète a dit, si l'un d'entre vous s'assoit dans la salat, c'est-à-dire le tashahhud, l'assise après les quatrième raka, son Dieu, je veux dire, après, la deuxième raka, en fait. Ils disent le tahiyyat à la base c'est salutation. Le tahiyyat c'est salutation et en même temps c'est toute bonne parole. Donc les salutations et les bonnes paroles sont pour Allah. Wa at-tayyibat, les bonnes, ce sont les bonnes actions. Quand? Donc les bonnes paroles. Les bonnes actions sont pour Allah Azzawajal. Assalamu alaikum, ayyuk salam, sur toi, ou toi le prophète. Wa rahmatullahi barakatuhu, ainsi que la rahmat d'Allah et sa baraka. Assalamu alayna, que le salam soit sur nous. Wa ala ibadillahi salihin, et sur les serviteurs d'Allah, parmi les gens, Dieu. Et s'il dit cela, c'est-à-dire, ce qui est dans la salat, il fait, c'est pour cette formule-là, ce dora-là, il a dit que cette invocation atteindra tout serviteur sans aller pieux dans les cieux et sur terre, qui implique être humain, djinn, et qui est dans les cieux? Al-Malaïka. Après, il fait les attestations, Ashhadu an la ilaha illallah. Pose une question? Tu poses une question? Ok? Ça veut dire quoi? Ashhadu an la ilaha illallah. Non, attends, je répète. Excuse-moi, je me trop dis. Ça veut dire quoi? La ilaha illallah. Que veut dire la ilaha illallah? Et quoi son sens en français? La ilaha illallah. Je sais pas, t'as oublié? T'as oublié? Ça veut dire qu'il n'y a nulle divinité ou nul Dieu en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Ça, ça veut dire. Donc, toi, prends garde la traduction que les gens répètent qui veut dire qu'il n'y a nul Dieu à part Allah. D'accord? Car des dieux, des divinités, il y en a, mais elles sont fausses. Il y a des choses que les gens, ils adorent, qui existent. Et toute chose qui est adorée est appelée comme étant une divinité. Même si elle n'est pas vraie. T'as des gens, ils adorent des arbres, t'as des gens, ils adorent le soleil, t'as des gens, ils adorent des hommes, t'as des gens, ils adorent des pierres, t'as des gens, ils adorent des morts, ainsi de suite. Ça, ce sont leurs divinités à eux. Donc, ces divinités existent. Mais elles sont fausses et ne méritent pas adoration. Le seul qui la mérite, c'est qui? Voilà. Donc, la ilaha illallah, c'est ça que ça veut dire. Le vrai sens, c'est ça. D'accord? Qu'il n'y a nulle divinité en droit d'être adorée en dehors d'Allah. Et si on te dit nul Dieu à part Allah, on dit ici, il n'y a pas de Dieu. Ils sont des faux dieux. Ils ne méritent pas pour leur attribuer la divinité. En gros. Et il dit donc, Ashhadu an la ilaha illallah. Donc j'atteste qu'il n'y a nulle divinité ni d'être adoré en dehors d'Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et que Muhammad est son serviteur et messager. Bon, ça, c'est tashahhud. D'accord? Ça, c'est le terme tashahhud. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après cela, il dit ce qu'il veut comme doua. Tu invoques par ce que tu veux. Car le tashahhud, c'est parmi les moments où les doua sont exaucés. Donc ce hadith a été rapporté par Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud qui est un grand sahabi. Ibn Mas'ud, Ibn Ghafil, Ibn Habib, Ibn Abu Abdurrahman, Al-Hudalli. Ahad Aïmat et Sahaba, radouanallahi alayhim ajma'in. Donc, Abdullah ibn Mas'ud était un homme parmi les Sahaba. Il était parmi les grands Sahaba, parmi les plus savants des Sahaba. Lui, il a fait les deux hijras, celle qui était en Habasha et celle qui était à Al-Madina. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, يسمى القرآن من أربعة من ابن مسعود وسالم مولى ابن أبي هذيفة وأبي ومعاذ ابن جبل متفق عليه. لدي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرد القرآن d'accord faites-vous التلقين c'est le fait qu'on fasse répéter le Coran on sait le Coran il a dit par quatre personnes il a dit en fait ce sont les meilleurs il n'y a pas que eux mais ceux-là sont les meilleurs et il a dit parmi eux ابن مسعود il a dit سالم مولى أبي هذيفة. Il a dit Ubay, c'est Ubay ibn Ka'b, et Mu'az ibn Jabal. Ces quatre-là. Bon, quatre-là. D'accord Tayyib. Et il a dit Ibn Mas'ud lui-même, وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُ مَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ سُورَةٌ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ حَيْثُ نَزَلَتْ وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا نَزَلَتْ ولو أعلم أحدا وأعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل فركبت إليه. Il a dit, par celui dont il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées en dehors de lui, il n'y a pas dans le livre d'Allah une sourate sans que je ne la connaisse et que je sache quand elle a été révélée. Et pourquoi elle a été révélée. Et pareil pour chaque verset. Il n'y a pas un verset du Coran sans que je sache quand il est descendu et pourquoi il est descendu. Il a dit, si jamais je connaissais quelqu'un sur terre qui, auprès de qui je peux me rendre. Et ça, elle a dit ça après la mort du prophète Mohammed, ça vient par la suite. Pour lequel je pourrais me rendre, qu'il soit plus savant du Coran que moi, et que je puisse aller vers lui, je me rendrai auprès de lui pour apprendre. Il n'a pas dit ça pour se vanter. Juste pour dire que je peux encore apprendre, je vais aller apprendre. En fait, je n'ai pas fini. Là, pour l'instant, je ne connais personne. Si jamais je connais quelqu'un, je vais aller me rendre auprès de lui. Vous voyez? Il était dit qu'après sa mort, l'un des plus grands mufassirs du Coran, c'est un autre qui s'appelle Abdullah également. C'est quel Abdullah? Quel Abdullah? Abbas. Les Abadi là, les Abadi là, c'est quatre qui s'appellent Abdullah qui étaient parmi les grands. Il y avait Ibn Abbas, il y avait Ibn Omar, il y avait Ibn Zubayr, et il y avait Abdullah Ibn Amr. Et lui, Ibn Mas'ud, il est mort avant eux. Mais les quatre qu'ils auront vécu longtemps après dans la Ummah, ces quatre-là, c'était jeunes à l'époque du Nabi Sallam. Ibn Mas'ud était plus âgé déjà. Les quatre, l'Abadi, on l'appelle comme ça, l'Abadi, c'est un djinn de Abdullah en fait. L'Abadi, ces quatre-là, ce sont ceux qui ont vécu longtemps après le Nabi Sallam et qui ont appris aux gens beaucoup de choses. Ibn Mas'ud, donc, c'est un homme qui avait un grand savoir. Enfin, pas bon dans le Coran. Et d'ailleurs, c'est un homme qui était très pauvre, au point que c'est sa femme qui lui donnait sa zakat à elle. Elle avait une zakat, d'accord? Elle a donné à son mari. Donc, il est pas mis à la femme de donner la zakat à sa femme. Son mari est pauvre et qu'elle est plus riche que lui. Elle peut donner à lui. Est-ce qu'on peut faire le contraire? Un homme peut donner sa zakat à sa femme. Pourquoi? Arsène, tu n'aimes pas le zakat à quelqu'un qui est sous ta charge financière. Mais la femme, elle est à la base. D'accord? Elle n'a pas à dépenser pour le mari. Donc, il lui permet, si elle a une zakat, de la donner à son époux. Et d'ailleurs, c'est le plus grand droit de la recevoir la zakat, c'est lui, de son époux, s'il est dans le besoin. Et il est mort. Attends, d'abord, il dit qu'il a rapporté 840 hadiths. Donc il y a des gens qui ont rapporté plus de hadiths que lui. Et qu'il est mort lors du califat de Othman ibn Affan en l'an Sana Snatein ou Thalath ou Thalathin, c'est-à-dire l'an 33, 32, 33 de l'Hégira. À Al-Medina. Donc là, on a appris quel est ce tashahhud. Et ensuite, lors du tashahhud de l'akhir, on rajoute quoi? Qu'est-ce qu'on rajoute? As-salat al-Ibrahimiyya, on l'appelle comme ça. Allez, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ala Ibrahim wa ala Ibrahim, kama sallaita ala Muhammad wa ala... Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka hamidun Hamidul Majid. Il y a plusieurs versions. Taïeb. Donc là, on prend. Bon, on a fait l'explication déjà. On va prendre Al-Fawaid. Yaqul Awalan kayfiyat at-tashahhud fi salat. Donc maintenant, on a appris comment faire le tashahhud dans la salat, comme on a enseigné ici, dans le hadith. Thaniyan. أن محل هذا التشهد القعود بعد السجدة الأخيرة في كل صلاة وبعد الركعة الثانية وفي الثالثة في الثلاثية عفوا والرباعية أيضا. Donc à quel moment on fait ce tashahhud? On le fait après soit la deuxième rakat, si avec deux rakat, ou si on a plus, après la deuxième rakat, tu le fais. Ou alors, si c'est une salade de trois, comme le Maghreb, bah, tu le fais après la deuxième et après la troisième. C'est une salade de quatre, tu l'as fait après la deuxième et après la quatrième. Voilà. Elle est saine aujourd'hui, salati, ou une tashhad bi ghayrihi, mima soha ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, jaza. et qu'il est obligatoire de faire le tashahhud selon soit ce terme-là ou d'autres sont venus. Ça, c'est la formule la plus authentique et la plus complète. Il y en a d'autres qui sont venus. D'accord. Donc, c'est obligatoire de le faire le tashahhud. Et le meilleur, c'est de dire ceci. Après, il y a d'autres hadiths qui donnent d'autres versions, d'autres termes. Mais tous ont un sens similaire, en gros. On n'était pas obligé de dire ce doit aller en soi. Le tashahhud, t'es obligé de le faire. رابعا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته وعنايته بذلك. Ce qui montre à quel point le Nabi صلى الله عليه وسلم se souciait d'enseigner à sa communauté et le soin qu'il y apportait. خامسا فضيلة ابن مسعود حيث كان ممن يتلقى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. Cela montre le mérite d'Ibn Mas'ud. Il était parmi les gens qui prenaient le Coran du Nabi صلى الله عليه وسلم directement. Et même il a récité son prophète. En fait, il lui a dit, récite. Il dit, comme j'aime l'entendre d'autres que moi. Une personne, il a récité sur la tête de Nissa. Et à la fin, Nabi Salem s'est mis à pleurer. Et il a demandé à qui elle, c'est le prophète. Donc, il n'a pas demandé à n'importe qui de faire le Coran pour lui. Il a demandé à qui elle, Mas'ud. Il a dit, ni uhibbu nasma min ghayri. J'aime l'entendre d'autres que moi. Il dit, récite le Coran. Sadisan, en al-lawd al-am, est un awel al-jamal, al-jamia afradi. Et qu'un terme général atteint toute personne concernée. Là, il a dit dans le on dit assalam alayka ayyuhan nabiyyu assalam alayna wa ibadallahi salihin. Le salam sur toi le prophète ainsi que le rahmat d'Allah et sa baraka qui soit sur nous également et surtout serviteurs pieux sur terre et sur et dans les cieux. Et le abd salih, on le rappelle souvent, Abd Saleh, qu'on nous traduit souvent par vertueux, pieux ou quoi, quoi. Ça veut dire quoi? En fait, c'est celui qui rend le droit d'Allah et qui rend le droit des créatures. C'est un homme Saleh, une femme Saleha, c'est quelqu'un qui rend le droit à autrui. En premier lieu, Allah, donc le Tawhid, il lui obéit et également il rend le droit des gens. Pas forcément quelqu'un qui fait plein d'actions. Et plein de salawat, plein de sadaqa, plein de... Non, c'est pas ça, salih, forcément. C'est lui qui rend le droit des gens. C'est le minimum. D'accord? Avec les gens, il est juste. Il est juste avec ses parents. Il est juste, oui, son épouse, ses enfants, ses voisins. D'accord? Les gens qui ont un droit sur lui, il leur rend leur droit. Rakan. C'est ça, quelque salih. Et puis, il y a des gens salihin. Et moi, il y a d'injustice sur terre. As-salah, ça amène à mettre de la justice sur terre. Car les gens sans l'été ne font pas de mal aux autres. Car le minimum que tu puisses faire, tu ne peux pas faire une sadaqa à quelqu'un, comme l'a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas donner une sadaqa. Faire du bien aux gens, minimum, ne leur fait pas de mal. Minimum. Tu n'arrives pas à faire du bien, ne fais pas de mal, au moins. Et tu arrives à ça déjà, c'est une bonne chose, alhamdoulilah. Non, je voulais prendre le troisième, mais bon, voilà. Je ne me rappelle pas. Ce qui est en relation avec le hadith, là, c'était l'isti'aza min arba, le tashahhud. Mais bon, on le prendra, inshallah, pour prochain dars, biznillah ta'ala. Tayyib. Fastanaktafi bi hadha al-qadr. Fasubhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.